Carol Flanders, 22e partie. Ce fut le jour de la Noël suivant, sur le soir, que, pour achever une longue suite de crimes, je sortis dans la rue pour voir ce que je trouverais sur mon chemin, quand, passant près d'un argentier qui travaillait dans Foster Lane, je vis un appât qui me tenta et auquel une de ma profession n'eût su résister, car il n'y avait personne dans la boutique et beaucoup de vaisselle plate gisait éparse à la fenêtre et près de l'escabeau de l'homme qui, ainsi que je suppose, travaillait sur un côté de la boutique. J'entrai hardiment et j'allai justement mettre la main sur une pièce d'argenterie, et j'aurais pu le faire et remporter tout net pour aucun soin que les gens de la boutique en eussent pris. Sinon qu'un officieux individu de la maison d'en face, voyant que j'entrais et qu'il n'y avait personne dans la boutique, traverse la rue tout courant et, sans me demander qui ni quoi, m'empoigne et appelle les gens de la maison. Je n'avais rien touché dans la boutique, et, ayant eu la lueur de quelqu'un qui arrivait courant, j'eus assez de présence d'esprit pour frapper très fort du pied sur le plancher de la maison, et j'appelai justement à haute voix au moment que cet homme mit la main sur moi. Cependant, comme j'avais toujours le plus de courage quand j'étais dans le plus grand danger, ainsi, quand il mit la main sur moi, je prétendis avec beaucoup de hauteur que j'étais entré pour acheter une demi-douzaine de cuillères d'argent. Et, pour mon bonheur, c'était un argentier qui vendait de la vaisselle plate, aussi bien qu'il en façonnait pour d'autres boutiques. L'homme se mit à rire là-dessus et attribua une telle valeur au service qu'il avait rendu à son voisin qu'il affirma et jura que je n'étais point entré pour acheter, mais bien pour voler. Et, amassant beaucoup de populace, je dis au maître de la boutique, qu'on était allé chercher entre-temps, dans quelque lieu voisin, qu'il était inutile de faire un scandale et de discuter là sur l'affaire, que cet homme affirmait que j'étais entré pour voler et qu'il fallait qu'il le prouvât, que je désirais aller devant un magistrat sans plus de paroles, et qu'aussi bien je commençais à voir que j'allais prendre trop d'aigreur pour l'homme qui m'avait arrêté. Le maître et la maîtresse de la boutique furent loin de se montrer aussi violents que l'homme d'en face. Et le maître me dit « Bonne dame, il se peut que vous soyez entrée dans ma boutique, pour autant que je sache, dans un bon dessein. Mais il semble que ce fût une chose dangereuse à vous que d'entrer dans une boutique telle que la mienne au moment où vous n'y voyez personne. Et je ne puis rendre si peu de justice à mon voisin qui m'a montré tant de prévenance que de ne point reconnaître qu'il a eu raison sur sa part. Malgré qu'en somme, je ne trouve pas que vous ayez tenté de prendre aucune chose, si bien qu'en vérité, je ne sais trop que faire. » Je le pressai d'aller avec moi devant un magistrat, et que si on pouvait prouver contre moi quelque chose qui fût, je me soumettrais de bon cœur, mais que sinon, j'attendais réparation. Justement comme nous étions dans ce débat, avec une grosse populace assemblée devant la porte, voilà que passe sœur T. B., échevin de la cité et juge de paix, ce qu'entendant, l'argentier supplia sa dignité d'entrer afin de décider le cas. Il faut rendre à l'argentier cette justice qu'il conta son affaire avec infiniment de justice et de modération, et l'homme qui avait traversé la rue pour m'arrêter conta la sienne avec autant d'ardeur et de sotte colère, ce qui me fit encore du bien. Puis ce fut mon tour de parler, et je dis à sa dignité que j'étais étrangère dans Londres, étant nouvellement arrivée du Nord, que je logeais dans tel endroit, que je passais dans cette rue, et que j'étais entrée dans une boutique d'argenterie pour acheter une demi-douzaine de cuillères. Par chance grande, j'avais dans ma poche une vieille cuillère d'argent que j'en tirai, et lui dis que j'avais emporté cette cuillère afin d'acheter les pareilles neuves pour compléter le service que j'avais à la campagne. Que ne voyant personne dans la boutique, j'avais frappé du pied très fort pour faire venir les gens et que j'avais appelé aussi à haute voix. Qu'il était vrai qu'il y avait des pièces d'argenterie éparses dans la boutique, mais que personne ne pouvait dire que j'en eusse touché aucune. Qu'un individu était arrivé tout courant de la rue dans la boutique et m'avait empoigné de furieuse manière dans le moment que j'appelais les gens de la maison. Que s'il avait eu réellement l'intention de rendre quelque service à son voisin, il aurait dû se tenir à distance et m'épier silencieusement pour voir si je touchais rien et puis me prendre sur le fait. « Voilà qui est vrai, » dit monsieur l'échevin, et, se tournant vers l'homme qui m'avait arrêté, il lui demanda s'il était vrai que j'eusse frappé du pied. Il dit que oui, que j'avais frappé, mais qu'il se pouvait que cela fût du fait de sa venue. « Nenni, » dit l'échevin, le reprenant de court, « voici que vous vous contredisez. Il n'y a qu'un moment que vous avez dit qu'elle était dans la boutique et qu'elle vous tournait le dos, et qu'elle ne vous avait pas vu jusqu'au moment où vous étiez venu sur elle. Or, il était vrai que j'avais en partie le dos tourné à la rue, mais pourtant mon affaire étant de celle qui exigeait que j'eusse les yeux tournés de tous les côtés, ainsi avais-je réellement eu la lueur qu'il traversait la rue, comme j'ai dit avant, bien qu'il ne s'en fût point douté. Après avoir entendu tout à plein, l'échevin donna son opinion, qui était que son voisin s'était mis dans l'erreur et que j'étais innocente. Et l'argentier y acquiesça, ainsi que sa femme, et ainsi je fus relâchée. Mais dans le moment que je m'en allais, monsieur l'échevin dit « Mais arrêtez, madame, si vous aviez dessein d'acheter des cuillères, j'aime à croire que vous ne souffrirez pas que mon ami, ici, perde une cliente pour s'être trompée. » Je répondis sur le champ. « Non, monsieur, j'achèterai fort bien les cuillères, pour peu toutefois qu'elle s'apparît à la cuillère que j'ai là et que j'ai apportée comme modèle. » Et l'argentier m'en fit voir qui était de la façon même. Si bien qu'il pesa les cuillères, et la valeur en monta à 35 shillings. De sorte que je tire ma bourse pour le payer, en laquelle j'avais près de 20 guinées, car je n'allais jamais sans telle somme sur moi, quoi qu'il pût advenir, et j'y trouvai de l'utilité en d'autres occasions, tout autant qu'en celle-ci. Quand monsieur l'échevin vit mon argent, il dit « Eh bien, madame, à cette heure, je suis bien persuadé qu'on vous a fait tort, et c'est pour cette raison que je vous ai poussé à acheter les cuillères et que je vous ai retenu jusqu'à ce que vous les eussiez achetées. Car si vous n'aviez pas eu d'argent pour les payer, je vous aurais soupçonné de n'être point entré dans cette boutique avec le dessein d'y acheter. Car l'espèce de gens qui viennent aux fins dont on vous avait accusé sont rarement gênés par l'or qu'ils ont dans leur poche, ainsi que je vois que vous en avez. » Je souris et dis à sa dignité que je voyais bien que je devais à mon argent quelque peu de sa faveur, mais que j'espérais qu'elle n'était point sans être causée aussi par la justice qu'il m'avait rendue auparavant. Il dit que oui, en effet, mais que ceci confirmait son opinion et qu'à cette heure, il était intimement persuadé qu'on m'avait fait tort. Ainsi, je parvins à me tirer d'une affaire où j'arrivais sur l'extrême bord de la destruction. Ce ne fut que 3 jours après que, nullement rendue prudente par le danger que j'avais couru, contre ma coutume et poursuivant encore l'art où je m'étais si longtemps employé, je m'aventurai dans une maison dont je vis les portes ouvertes et me fournis, ainsi que je pensais, en vérité sans être aperçu, de 2 pièces de soie à fleurs, de celles qu'on nomme brocart, très riches. Ce n'était pas la boutique d'un mercier, ni le magasin d'un mercier, mais la maison semblait d'une habitation privée où demeurait, paraît-il, un homme qui vendait des marchandises destinées aux tisserands pour merciers, sorte de courtier ou facteur de marchands. Pour abréger la partie noire de cette histoire, je fus assailli par 2 filles qui s'élancèrent sur moi, la bouche ouverte, dans le moment que je sortais par la porte. Et l'une d'elles, me tirant en arrière, me fit rentrer dans la chambre, tandis que l'autre fermait la porte sur moi. Je les eusse payées de bonnes paroles, mais je n'en pus trouver le moyen. 2 dragons enflammés n'eussent pas montré plus de fureur. Elles lacérèrent mes habits, m'injurièrent et hurlèrent comme si elles eussent voulu m'assassiner. La maîtresse de maison arriva ensuite, et puis le maître, et tous pleins d'insultes. Je donnai au maître de bonnes paroles, lui dis que la porte était ouverte, que les choses étaient une tentation pour moi, que j'étais pauvre dans la détresse et que la pauvreté était une chose à laquelle beaucoup de personnes ne pouvaient résister, et le suppliai avec des larmes d'avoir pitié de moi. La maîtresse de maison était émue de compassion et incline à me laisser aller, et avait presque amené son mari à y consentir, mais les coquines avaient couru, devant qu'on les eût envoyés pour amener un commissaire. Sur quoi le maître dit qu'il ne pouvait reculer et qu'il fallait aller devant un juge et qu'il pourrait être lui-même dans la peine s'il me relâchait. La vue d'un commissaire en vérité me frappa et je pensai enfoncer en terre. Je tombai en pâmoison et en vérité, ces gens pensaient que je fusse morte quand de nouveau la femme plaida pour moi et pria son mari, voyant qu'il n'avait rien perdu, de me relâcher. Je lui offris de lui payer les 2 pièces, quelle qu'en fût la valeur, quoique je ne les eusse pas prises, et lui exposai que puisqu'il avait les marchandises et qu'en somme il n'avait rien perdu, il serait cruel de me persécuter à mort et de demander mon sang pour la seule tentative que j'avais faite de les prendre. Je rappelai aussi au commissaire que je n'avais point forcé de porte ni rien emporté. Et quand j'arrivai devant le juge et que je plaidai là sur ce que je n'avais rien forcé pour m'introduire ni rien emporté au dehors, le juge fut enclin à me faire remettre en liberté. Mais la première vilaine coquine qui m'avait arrêté, ayant affirmé que j'étais sur le point de m'en aller avec les étoffes, mais qu'elle m'avait arrêté et tiré en arrière, le juge, sans plus attendre, ordonna de me mettre en prison, et on m'emporta à Newgate, dans cet horrible lieu. Mon sang même se glace à la seule pensée de ce nom. Le lieu où tant de mes camarades avaient été enfermés sous les verrous, et d'où elles avaient été tirées pour marcher à l'arbre fatal, le lieu où ma mère avait si profondément souffert, où j'avais été mise au monde, et d'où je n'espérais point de rédemption que par une mort infâme. Pour conclure, le lieu qui m'avait si longtemps attendu, et qu'avec tant d'art et de succès, j'avais si longtemps évité. J'étais maintenant dans une affreuse peine, vraiment. Il est impossible de décrire la terreur de mon esprit, quand d'abord on me fit entrer, et que je considérai autour de moi toutes les horreurs de ce lieu abominable. Je me regardais comme perdu, et que je n'avais plus à songer qu'à quitter ce monde, et cela dans l'infamie la plus extrême. Le tumulte infernal, les hurlements, les jurements et la clameur, la puanteur et la saleté, et toutes les affreuses choses d'affliction que j'y voyais, s'unissaient pour faire paraître que ce lieu fut un emblème de l'enfer lui-même, et en quelque sorte sa porte d'entrée. Je ne pus dormir pendant plusieurs nuits et plusieurs jours après que je fus entré dans ce misérable lieu. Et durant quelque temps, j'eusse été bien heureuse d'y mourir, malgré que je ne considérasse point non plus la mort ainsi qu'il le faudrait. En vérité, rien ne pouvait être plus empli d'horreur pour mon imagination que le lieu même. Rien ne m'était plus odieux que la société qui s'y trouvait. Oh, si j'avais été envoyée en aucun lieu de l'univers, et point à Newgate, je me fusse estimée heureuse. Et puis, comme les misérables endurcis qui étaient là avant moi triomphèrent sur moi. Quoi, Madame Flanders à Newgate? Enfin quoi, Madame Mary, Madame Molly, et ensuite Moll, Flanders tout court? Elle pensait que le diable m'eût aidée, disait-elle, pour avoir régné si longtemps. Elle m'attendait là depuis bien des années, disait-elle, et étais-je donc venue enfin? Puis elle me souillait d'excréments pour me railler, me souhaitait la bienvenue en ce lieu, et que j'en eusse bien de la joie. Me disait de prendre bon courage, d'avoir le cœur fort, de ne pas me laisser abattre, que les choses n'iraient peut-être pas si mal que je le craignais, et autres paroles semblables. Puis faisait venir de l'eau-de-vie et la buvait à ma santé, mais mettait le tout à mon compte, car elle me disait que je ne faisais que d'arriver au collège, comme elle l'appelait, et que, sûr, j'avais de l'argent dans ma poche, tandis qu'elle n'en avait point. Je demandai à l'une de cette bande depuis combien de temps elle était là. Elle me dit 4 mois. Je lui demandai comment le lieu lui avait paru quand elle y était entrée d'abord. « Juste comme il me paraissait maintenant, dit-elle, terrible et plein d'horreur. » Et elle pensait qu'elle fut en enfer. « Et je crois bien encore que j'y suis, ajouta-t-elle, mais cela me semble si naturel que je ne me tourmente plus là-dessus. « Je suppose, dis-je, que vous n'êtes point en danger de ce qui va suivre. « Nenni, dit-elle, par ma foi tu te trompes bien, car je suis condamnée, sentence rendue. Seulement j'ai plaidé mon ventre, mais je ne suis pas plus grosse d'enfant que le juge qui m'a examinée. Et je m'attends à être rappelée à la prochaine session. » Ce rappel est un examen du premier jugement, quand une femme a obtenu répit pour son ventre, mais qu'il se trouve qu'elle n'est pas enceinte, ou que, si elle l'a été, elle a accouché. « Comment, dis-je, et vous n'êtes pas plus soucieuse ?»« Bah, dit-elle, je n'y puis rien faire. À quoi cela sert-il d'être triste ? Si je suis pendue, je ne serai plus là, voilà tout. » Et voilà qu'elle se détourne en dansant et qu'elle chante, comme elle s'en va, le refrain suivant de Newgate. Tortouse balance, ma panse qui danse, un coup de cloche au clocheton, et c'est la fin de Jeanneton. Je ne puis dire, ainsi que le font quelques-uns, que le diable n'est pas si noir qu'on le peint. Car, en vérité, nulle couleur ne saurait représenter vivement ce lieu de Newgate, et nulle âme le concevoir proprement, sinon celles qui y ont souffert. Mais comment l'enfer peut devenir par degrés si naturel, et non seulement tolérable, mais encore agréable? Voilà une chose inintelligible, sauf à ceux qui en ont fait l'expérience, ainsi que j'ai fait. La même nuit que je fus envoyé à Newgate, j'en fis passer la nouvelle à ma vieille gouvernante, qui en fut surprise, comme bien vous pensez, et qui passa la nuit presque aussi mal en dehors de Newgate que moi au dedans. Le matin suivant, elle vint me voir. Elle fit tout son possible pour me rassurer, mais elle vit bien que c'était en vain. Toutefois, comme elle disait, plier sous le poids n'était qu'augmenter le poids. Elle s'appliqua aussitôt à toutes les méthodes propres à en empêcher les effets que nous craignions, et d'abord elle découvrit les deux coquines enflammées qui m'avaient surprise. Elle tâcha à les gagner, à les persuader, leur offrit de l'argent, et en somme essaya tous les moyens imaginables pour éviter une poursuite. Elle offrit à une de ses filles 100 livres pour quitter sa maîtresse et ne pas comparaître contre moi. Mais elle ne fut si résolue que malgré qu'elle ne fût que fille servante à 3 livres de gages par an ou quelque chose d'approchant, elle refusa, et elle eut refusé, ainsi que le crut ma gouvernante, quand même elle lui eût offert 500 livres. Puis elle assaillit l'autre fille. Celle-ci n'avait point la dureté de la première et parut parfois encline à montrer quelque pitié. Mais l'autre créature la sermonna et ne voulut pas tant que la laisser parler à ma gouvernante, mais menaça mon amie de la faire prendre pour corruption de témoin. Puis elle s'adressa au maître, c'est à savoir à l'homme dont les marchandises avaient été volées, et particulièrement à sa femme qui avait été encline d'abord à prendre quelque pitié de moi. Elle trouva que la femme était la même encore, mais que l'homme alléguait qu'il était forcé de poursuivre, sans quoi il perdrait sa reconnaissance en justice. Ma gouvernante s'offrit à trouver des amis qui feraient ôter sa reconnaissance du fil d'archal des registres, comme ils disent, mais il ne fut pas possible de le convaincre qu'il y eût aucun salut pour lui au monde, sinon de comparaître contre moi. Si bien que j'allais avoir contre moi 3 témoins à charge sur le fait même, le maître et ses 2 servantes. C'est-à-dire que j'étais aussi certaine d'encourir la peine de mort que je l'étais de vivre à 7 heures et que je n'avais rien à faire qu'à me préparer à mourir. Je passai là bien des jours dans la plus extrême horreur. J'avais la mort en quelque sorte devant les yeux, et je ne pensais à rien nuit et jour qu'à des gibets et à des cordes, mauvais esprits et démons. Il est impossible d'exprimer combien j'étais harassée entre les affreuses appréhensions de la mort et la terreur de ma conscience qui me reprochait mon horrible vie passée. Le chapelain de Newgate vint me trouver et me parla un peu à sa façon. Mais tout son discours divin se portait à me faire avouer mon crime, comme il le nommait, malgré qu'il ne sût pas pourquoi j'étais là, à découvrir entièrement ce que j'avais fait et autre chose semblable, sans quoi il me disait que Dieu ne me pardonnerait jamais. Et il fut si loin de toucher le propos même que je n'en eus aucune manière de consolation. Et puis d'observer la pauvre créature me prêcher le matin, confession et repentir, et de le trouver ivre d'eau-de-vie sur le midi, voilà qui avait quelque chose de si choquant que cet homme finit par me donner la nausée et son œuvre aussi, par degrés, à cause de l'homme qui la pratiquait. Si bien que je le priai de ne point me fatiguer davantage. Je ne sais comment cela se fit, mais grâce aux infatigables efforts de ma diligente gouvernante, il n'y eut pas d'accusation portée contre moi à la première session, je veux dire au grand jury, à Guildhall, si bien que j'eus encore un mois ou 5 semaines devant moi. Et sans doute, c'est ce que j'aurais dû regarder comme autant de temps qui m'était donné pour réfléchir sur ce qui s'était passé et me préparer à ce qui allait venir. J'aurais dû estimer que c'était un répit destiné au repentir et l'avoir employé ainsi. Mais c'est ce qui n'était pas en moi. J'étais fâché, comme avant, d'être à Newgate, mais je donnais peu de marques de repentir. Au contraire, ainsi que l'eau dans les cavernes des montagnes, qui pétrifie et tourne en pierre toute chose sur quoi on la laisse s'égoutter, ainsi le continuel commerce avec une pareille meute de limiers d'enfer eut sur moi la même opération commune que sur les autres. Je muai en pierre. Je devins premièrement insensible et stupide, puis abruti et pleine d'oubli, enfin folle furieuse, plus qu'aucune d'elles. En somme, j'arrivai à me plaire naturellement et à m'accommoder à ce lieu, autant en vérité que si j'y fusse né. Il est à peine possible d'imaginer que nos natures soient capables de dégénérer au point que de rendre plaisant et agréable ce qui en soi est la plus complète misère. Voilà une condition telle que je crois qu'il est à peine possible d'en citer une pire. J'étais malheureuse avec un raffinement aussi exquis qu'il se peut pour une personne qui, ainsi que moi, avait de la vie, de la santé et de l'argent pour s'aider. J'avais sur moi un poids de crime qui eût suffi à abattre toute créature qui eût gardé le moindre pouvoir de réflexion ou qui eût encore quelque sentiment du bonheur en cette vie ou de la misère en l'autre. J'avais eu d'abord quelques remords en vérité, mais point de repentir. Je n'avais maintenant ni remords ni repentir. J'étais accusé d'un crime dont la punition était la mort. La preuve était si manifeste que je n'avais point lieu même de plaider non coupable. J'avais le renom d'une vieille délinquante, si bien que je n'avais rien à attendre que la mort. Ni n'avais-je moi-même aucune pensée d'échapper, et cependant j'étais possédé par une étrange léthargie d'âme. Je n'avais en moi ni trouble, ni appréhension, ni douleur, la première surprise était passée. J'étais, je puis bien dire, je ne sais comme. Mes sens, ma raison, bien plus ma conscience, était tout endormi. Mon cours de vie pendant 40 ans avait été une horrible complication de vices, de prostitution, d'adultère, d'inceste, de mensonge, de vol, et en un mot, j'avais pratiqué tout, sauf l'assassinat et la trahison, depuis l'âge de 18 ans ou environ jusqu'à 60. Et pourtant je n'avais point de sens de ma condition, ni de pensée du ciel, ni de l'enfer, du moins qui alla plus loin qu'un simple effleurement passager, comme le point ou aiguillon de douleur qui avertit et puis s'en va. Je n'avais ni le cœur de demander la merci de Dieu, ni en vérité d'y penser. Et je crois avoir donné ici une brève description de la plus complète misère sur terre. Toutes mes pensées terrifiantes étaient passées. Les horreurs du lieu m'étaient devenues familières. Je n'éprouvais pas plus de malaise par le tumulte et les clameurs de la prison que celle qui menait ce tumulte. En un mot, j'étais devenu un simple gibier de Newgate, aussi méchant et grossier que tout autre. Oui, et j'avais à peine retenu l'habitude et coutume de bonnes façons et manières qui jusque-là avaient été répandues dans toute ma conversation. Si complètement étais-je dégénéré et possédé par la corruption, que je n'étais pas plus la même chose que j'avais été, que si je n'eusse jamais été autrement que ce que j'étais maintenant.